بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل قراءتنا في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سائلين الله عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Donc on continue inshallah sur la description de la prière du même auteur, Cheikh Mohamed ibn Saleh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayh. وتوقفنا عند قول المصنف لما قال وبهذا تبين لنا أنه كلما ازداد الإنسان طاعة لله فتح الله عليه من أبواب العلم والإيمان ما لم يفتحه على غيره، فأحث طلبات العلم خاصة على المتمسك بشعائر الإسلام ظاهرة والباطنة الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله عز وجل وبحقوق عباده حتى يزيدهم الله علما وهدى ونورا. Jusqu'à la fin de l'introduction aussi. Donc la fois dernière, on avait dans la première assise de la description de la prière du prophète Hassan, du même auteur, Cheikh Mohamed ibn Saleh Al-Uthaymeen, on avait terminé la lecture de l'introduction. La lecture de cette très belle introduction de l'auteur lui-même. Et on avait dit qu'à la fin de l'introduction, il avait présenté aussi les chapitres et les sujets qu'il allait détailler dans son livre. Premièrement, on va étudier dans le premier chapitre le sens de la prière, louraten wa shar'an, linguistiquement parlant, étymologiquement parlant. Deuxièmement, on va détailler mata wa ayna furidat as-salatu, quand et où elle a été prescrite la prière. Fi bayani ahammiyatiha shar'an. Le troisième chapitre sera sur la clarification de son importance. Ensuite, le quatrième chapitre, fi bayani fadliha wa fawaidiha. Il y aura la clarification de ses mérites, ses faveurs et ses enseignements, ses bénéfices. Jusqu'à la fin des chapitres, et donc il y aura 12 chapitres. 12 chapitres. Et donc parmi ces chapitres, comme on l'a dit, la mise en garde du délaissement de celle-ci, la clarification du jugement de celui qui la délaisse, fi bayan ibad shurutiha, la clarification de ses conditions, la clarification de sa description à la lumière du livre, du noble Coran, à la lumière de la Sunna, tasir fi bayan al-wajib fiha, la clarification des obligations de la prière, le dixième chapitre sera concernant fi bayan qa'idataini Sharifataini, concernant deux nobles règles, le 11e chapitre concernant l'importance de la dévotion, de la concentration, al-khushu', fi ahamiyat al-khushu', fi salah, il y aura un chapitre dédié à cela, wa ma yata'allaqu bih, et ce qui est relatif à cela. Dans le 12e chapitre, et le dernier, donc le livre est composé de 12 chapitres, fi bayani hukmi salati al-jama'a. Il va clarifier le jugement de la prière en commun, wa bayani ba'di ahkamiha. Il va enseigner des règles liées à la prière en commun. Donc nabda fi al-fasl al-awwal. Al-fasl al-awwal. Donc ça va être un fasl, il dit dans le premier fasl. Fa nasta'in billahi 'azza wa jall. Fa qala al-shaykh ma'na as-salat lughatan wa shar'an. As-salatu fi al-lughati ad-du'a. قال ومنه قوله تعالى وصلي عليهم في سورة التوبة وصلي عليهم أي أدعو لهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم أي فليدعو، وقال الأعشى تقول بنتي وقد قربت مرتحلة يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. وهذا البيت من الأعشاء، وهذا البيت من في زمن الجاهلية، بيت وكان الأعشاء كان معروف في الجاهلية. قال أي عليك مثل الذي دعوت به علي، Et donc l'auteur commence. Il dit, le sens de la prière, linguistiquement parlant, étymologiquement parlant. Et là, c'est très important. Là, le chapitre est très important. Souvent, les débuts de livres, il y a des définitions, et souvent, on les passe. On les passe parce que beaucoup, ils veulent aller au cœur du livre. Comment on fait telle et telle chose? Et parfois, le sens des termes, on les retient pas. Alors que c'est très important, puisque la prière, on prie tous les jours. C'est une adoration qui est quotidienne. Donc son sens linguistique, étymologique, c'est-à-dire le sens dans la langue, il faut le connaître. Ça va nous permettre de bien comprendre ce qui va suivre. Et le sens, lorsqu'on dit shar'an, c'est-à-dire étymologique, dans la religion, quel est son sens? Quel est son sens? Le shir dit, dans la langue arabe, la prière, c'est ad-du'a. Son sens de la prière dans la langue arabe, c'est l'invocation. C'est ça dans la langue. As-salat bi-ma'na ad-du'a. Et la preuve de cela, c'est que dans le verset, Allah dit, wa-salli alayhim. Et prie pour eux. Une traduction relative. Salli alayhim, dans le sens, ay ud'u lahum. Ud'u, invoque pour eux. Dans le sens, invoque en leur faveur. Invoque pour eux. Et donc, et prie pour eux, le sens wa salli alayhim, prie pour eux dans le sens, c'est pas de les prier, mais d'invoquer en leur faveur. D'invoquer en leur faveur. Et observez, on a un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, que vous pouvez vérifier dans Kitab al-Nikah, dans le livre du mariage. Bab al-Amr bi-ijabati al-da'i. Le chapitre concernant l'impératif ou l'ordre de répondre favorablement à l'invitation de celui qui invite. C'est pour ça que les savants disent que lorsque c'est une invitation de mariage, le jugement religieux de la réponse, c'est-à-dire, c'est que c'est une obligation de répondre à l'invitation. Lorsqu'on est invité pour un mariage, c'est une obligation d'y répondre. قال صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب. Lorsque l'un d'entre vous est invité, qu'il réponde à l'invitation. فإن كان صائما. Si maintenant il est en état de jeûne, il jeûne, eh bien il répond. Et le prophète dit فليصلي. Et littéralement, le prophète dit s'il est en état de jeûne, alors qu'il prie. Je vous traduis littéralement. Ensuite on va sur le sens. وإن كان مفطرا فليطعم. Et il dit par contre, si il ne jeûne pas, c'est pas un jour où il jeûne, alors il prendra part au repas. Il mangera. Il prendra part au repas. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu es invité, et donc es-tu en état de jeûne, tu jeûnes, prie, le prophète dit, c'est dans le sens, comme vous avez bien compris, invoque en faveur de celui qui t'a invité. Donc le comportement, c'est si on est invité à une invitation, et par exemple on est en train de jeûner, si la personne veut rester en état de jeûne, parce qu'il pourrait rompre son jeûne, si c'est un jeûne surrogatoire. Mais si lui veut rester en état de jeûne, il peut rester en état de jeûne, et le prophète sallam dit, alors tu pries. Pour celui qui t'a invité dans le sens, tu invoques en sa faveur. Et les savants, ici, tirent de ce hadith la preuve que le sens de la prière, c'est « ad-du'a ». C'est « ad-du'a ». Vous avez vu pourquoi que si on a une compréhension de la langue arabe, mais si on n'a pas une compréhension religieuse des termes, c'est comme cela que certains savants disent, on ne connaît pas la langue de la matière. Certains ont la connaissance de la langue arabe, mais ignorent la langue de la matière. Pourquoi? Parce que chaque matière, la science du droit, de la jurisprudence, la science du fiqh, la science de la aqida, la science du tafsir, ont des mustalahat, la science du hadith, il y a des mustalahat. Il faut connaître les mustalahat qui sont souvent utilisés. Si on connaît la langue arabe, c'est une chose, mais on ne connaît pas forcément les mots, les spécificités de ces mots liés à la matière. Et donc, de ce fait, on ne connaît pas la langue de la matière. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont une connaissance et machin, une maîtrise de la langue arabe, mais s'ils ont un livre de Mustalah al-Hadith, il y a des termes. Il y a des termes. On lui dit al-Hadith ou al-Aziz. C'est quoi un Hadith Aziz? Al-Mashhur. Il y a des Hadiths qu'on appelle al-Mashhur. Al-Ghalib. Il ne va pas citer le sens de l'aziz, l'ouraten. Là, l'aziz dans Mustalah al-Hadith, ça a un sens. Al-Munqati'a, Al-Mordal, Al-Mursal, par exemple. Al-Muallal, même Al-Sahih, il a un sens spécifique. Et donc, ça, c'est le fait de connaître la langue de la matière. C'est pour ça que certains savants disent, beaucoup n'ont pas compris certains sujets. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissaient pas la langue de la matière. Qala. Ensuite, l'auteur, il a cité un poème, une partie d'un poème, d'un poète connu, Al-Arsha. C'est un poète du temps pré-islamique, de l'Jahiliya. C'est un poème du temps de l'Jahiliya, avant même la naissance du prophète. Ce poète était connu à l'époque des Arabes, avant même la naissance du prophète. Mais il a un poème, il s'appelle Al-Arsha. Il s'appelle Al-Arsha. Qal al-Arsha, donc je vous l'ai lu en arabe, le sens, il veut dire ma fille. Voyant mon départ imminent, supplia. Ô Seigneur, tiens mon père loin des souffrances et de l'épuisement. J'adresse pour toi, ma fille, la même prière. Dors tranquille, l'homme a toujours où poser son flanc. Et c'est-à-dire, j'adresse pour toi la même prière, c'est-à-dire dans le sens, on voit que les Arabes, même à l'époque de l'Jahiliya, donc là c'est très pertinent. Cheikh Al-Uthaymeen, ici, il se base sur un poème de l'époque de l'Jahiliya. Vous savez, les gens de l'Jahiliya, à l'époque, c'était des gens que pour eux, la connaissance de la langue arabe, c'était d'une valeur incommensurable, d'une immense valeur. Donc ils préservaient leur langue. Et c'est pour ça que les grands savants de la langue arabe font référence aux anciens poèmes pour prouver que certains termes ont ce sens-là chez les Arabes, dans la pure langue, dans le pur arabe classique et littéraire. Et là, chien, c'est très pertinent parce que il s'est basé sur un verset, il s'est basé sur un hadith pour prouver que l'ouraten, le sens de la prière, veut dire ad-du'a. Mais aussi, il se base sur le sens de la pure langue arabe qui était employée même à l'époque de l'Jahiliya. Et regardez, lorsque dans l'Arsha, l'homme dit « Alayki mithlu alladhi sallayti » dans le sens « J'adresse pour toi, ma fille, la même prière que toi tu as faite. » La même prière, bimarna, la même dua. Pourquoi ? Parce qu'on voit que sa fille dit ma fille, voyant mon départ imminent, supplia, ô Seigneur. On voit bien que c'est à Dora alors, puisqu'elle dit, ô Seigneur. Regardez en arabe, elle dit, Taqulu binti, c'est le chien, c'est l'arsha. C'est le poète qui dit ça. Ma fille a dit, alors qu'il était en train de, il allait voyager. Il dit, ma fille a dit, lorsque j'allais voyager, Ya Rabbi, jannib abil awsab wal waja'a. Ô Seigneur. Donc elle s'adresse bien au Seigneur. Ya Rabbi, ô Seigneur, éloigne, écarte de mon père al-awsab wal-waja'a, les malheurs, les calamités, wal-waja'a, l'épuisement. Donc elle invoque le Seigneur en faveur de son père alors qu'il allait voyager. Ça, c'est dans la langue à l'époque de l'Jahiliya. Donc c'est un arabe pur. Donc c'est très pertinent. Cheikh Ibn Uthaymeen se base sur le Coran, comme on a dit, sur la Sunna et sur l'utilisation du terme sallayt, salli, que c'est dans le sens ad-du'a. Puisqu'ensuite, lui dit, j'adresse pour toi ma fille la même prière. Donc il a appelé la du'a de sa fille lorsqu'elle dit ya Rabbi, il l'a appelé prière. Thumma qala, wa salatu fi shara. Donc ça, c'était le sens dans la langue arabe. Donc la prière dans la langue arabe, tout simplement, c'est ad-du'a. Thumma qala, wa salatu fi shara. La prière dans religieusement, maintenant, le sens religieux. Donc, on comprend bien maintenant que les termes ont un sens linguistiquement parlant, dans la langue, et ils ont un sens religieusement. C'est quoi la prière religieusement ? La prière religieusement. Il dit « Ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin makhsousa, muftatahatun bit takbir, mukhtatamatun bit taslim. » Tout simplement. C'est ça la définition qu'il faut apprendre. Qu'est-ce que la prière ? C'est une très belle définition que vous retrouvez dans différents livres que mentionne ici Cheikh. Si on veut bien apprendre une bonne définition claire, explicite, concise sur la prière. Qu'est-ce que la prière religieusement? La prière dans la religion, ça veut dire « ibadatun ». C'est une adoration qui comprend, sont des actes d'adoration, qui comprend « aqwalin wa afhal », des paroles et des actes particuliers. C'est une adoration qui comprend paroles et actes, des actes particuliers. Muftatahatun, qui commence par le takbir, qui commence par takbir, je sais pas, en un mot, je connais pas de traduction, mais takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Donc vous avez vu, lorsqu'on commence, et on l'expliquera dans lorsqu'on arrivera au chapitre de la description de la prière, on expliquera comment dire Allahu Akbar, parce qu'on peut se tromper dans le takbir, dans la manière de prononcer. Il y en a qui disent Allahu Akbar dans le prononcer. Il n'y a pas de wa. Allahu Akbar. Donc Allahu Akbar. Vous avez vu un wa? Il n'y a pas de wa. Allahu Akbar. C'est comme si on dit Allah et autre chose, Akbar. Ou sinon, il y en a qui disent Allahu Akbar. Ils font un mode Akbar. Ça aussi, c'est Akbar. Donc, la prononciation, la manière de quel moment le dire, les mains. La sunna du prophète, ensemble, c'était de lever les mains. À quelle hauteur on va lever les mains? Qu'est-ce qu'on fait après le fait de lever les mains? Ça, on l'expliquera lorsqu'on fera la description de la prière. Mais, sachez, pourquoi on appelle Takbirat al-Ihram? Takbiratu al-Ihram. Parce qu'au moment où on va dire Allahu Akbar, ce qu'on avait le droit de faire avant, tout devient interdit. Jusqu'à At-Taslim, jusqu'à les salutations. Jusqu'à les salutations, c'est-à-dire, on n'a plus le droit de boire, de manger. Ce qu'on avait le droit de faire dans la dunya juste avant, juste en faisant le takbir, à ce moment-là, il nous est interdit de boire, de manger, de vaquer à ses préoccupations, même de penser à autre chose, puisqu'on doit se concentrer sur notre prière, jusqu'à la salutation. Donc regardez dans la définition. La prière, c'est quoi ? Ibadatun dhat aqwal wa afhal, c'est une adoration qui comprend parole, puisqu'il y a des paroles dans nos prières, afhal, acte particulier qui commence par at-takbir wa muhtatamatun bit-taslim et qui termine par le taslim. Tout ce qui se passe entre le takbir et le taslim, on va aller bien l'expliquer dans la description, dans le chapitre de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous rappelle un peu l'état de d'ihram du muhrim. Vous avez vu, la personne qui veut faire le pèlerinage, lorsqu'il se met en état de ihram, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il est en état de sacralité. À partir de quel moment? Lorsqu'il a fait l'intention. Pas à partir du moment qu'il a mis les deux pagnes. Le pagne qui va recouvrir la partie supérieure du corps et celle qui va recouvrir la partie supérieure. C'est pas à ce moment-là, puisqu'on peut le mettre. Beaucoup, par exemple, lorsqu'ils sont à l'hôtel à Médine, ils peuvent mettre le pagne, ensuite ils vont se rendre à Dhul Huleifa, au Miqat, et là, toute cette période-là, ils ne sont pas encore muhrim, parce qu'on ne peut pas faire l'ihram avant d'être au Miqat. D'être au Miqat, c'est au Miqat. Donc en réalité, c'est à partir du moment qu'on va prononcer An-Niyya. Prononcer l'An-Niyya. Et d'ailleurs, c'est la seule adoration, le Hajj, voilà, Umrah, où qu'on peut prononcer An-Niyya à voix haute. Sinon, toutes les autres adorations, comme on va voir pour la prière, lorsqu'on va dire Allahu Akbar, Takbirat al-Ihram, on ne dit pas, il y en a, moi on me l'a appris quand j'étais petit même. Quand j'étais petit, la première chose qu'on m'a appris, Subhanallah, j'ai eu du mal à m'en débarrasser. Jusqu'à même, parfois ça me revient. Avant de prier, je commence, on m'a appris, la première chose qu'on m'avait appris, tu dis, on ne connaissait pas, on disait, Nawait Salat al-Dhuhr. Par exemple, Nawait Salat al-Fajr. Première chose qu'on nous a appris. J'ai eu du mal à m'en débarrasser pendant de longues années. De longues années, commence. Alors avant de faire takbir, tu te concentres. Now wait, tu dois dire now wait salat al-fajr, si c'est salat al-fajr. C'est-à-dire, tu dois prononcer, on t'apprend que tu dois prononcer ton intention. Or, l'intention ne se prononce pas. On ne doit pas la prononcer, l'intention. L'intention, elle est dans le cœur. C'est la parole du cœur. Donc, que tu veux faire salat al-fajr, l'anatalafaz binniya, pourquoi? Parce que c'est une bid'a. C'est une innovation de la prononcer. اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمة محمد الوسادة Juste pour terminer en quelques minutes. Donc l'intention, c'est quelque chose qu'on ne prononce pas. Pourquoi? Parce que prononcer l'intention, c'est une adoration. Et le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, lam yatalafaz bin niyya. فَمَنْ تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ تَعَبَّدَ اللَّهُ وَعَبَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية فكيف نحن بعده نتلفظ بالنية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا نحن في بداية الصلاة عند الافتتاح لا نتلفظ بالنية mais dans ton cœur tu as dans ton cœur le fait même si tu la prononces pas à voix haute mais dans ton cœur tu as le fait que tu vas distinguer les prières que tu fais que tu vas accomplir c'est ça la niya d'un aspect c'est d'avoir la sincérité que ton adoration tu l'as fait pour Allah husn al-niya d'un aspect Mais de l'autre aspect, qu'est-ce que l'intention ? L'intention, ça vient distinguer entre les adorations. Par exemple, là, on va faire Salat al-Isha. Donc notre intention, elle va servir à distinguer entre les différentes prières qu'on accomplit. Donc on a l'intention de faire Salat al-Isha, sauf qu'on ne va pas le prononcer. L'intalafaz qabl al-salat bi-hadhi al-niyya, bi-niyyat Salat al-Isha. L'intalafaz biha. On ne va pas la prononcer, mais elle est dans notre cœur. Sauf que, comme on a dit, pour le pèlerinage, pour la Umrah, là on prononce la Baik Allahumma bi Umrah, par exemple. Au Seigneur, je viens à toi avec cette Umrah. À partir de là, regardez, comme pour Takbirat al-Ihram, À partir de là qu'on a prononcé l'intention, qu'est-ce qui se passe? Pour le pèlerin, il est en état de sacralité. Donc maintenant, il y a al-mahdhurat, les interdits. Il ne doit plus se couper les ongles, il ne doit plus se couper les cheveux, il ne doit pas se couvrir la tête, par exemple, il n'a pas droit d'avoir de rapport avec son épouse, etc. parmi les interdictions de l'état de sacralité. À quel moment qu'il pourra revenir, on va dire, on va pas dire à la vie normale, puisqu'il est dans une vie normale, sauf qu'il y a des mahdhurat, des interdits, lorsqu'il fera tahalloul. Pour la ramra, il y a tahalloul. Lorsqu'ensuite il aura terminé la ramra, il va se raser la tête. C'est la fin. Et dans le hajj, il y a tahalloul al-awwal et il y a tahalloul al-thani. Vous avez vu, dans le hajj, il y a deux tahalloul. Et comme dans la prière aussi, on fait takbirat al-ihram du début de la prière. Les choses qu'on avait le droit avant, manger, boire, discuter, rire, aussi est interdit. Le rire, on verra ce qui annule la prière. Rire comme cela, ça fait partie des annulatifs de la prière, on les apprendra, les annulatifs de la prière. Parler dans la prière, manger dans la prière, ça annule la prière. Vous savez, même certains gestes, on apprendra. Il y a des gestes qui n'ont rien à voir avec eux. La prière, certains gestes peuvent, il y a différentes catégories de gestes, il y a des gestes qui peuvent être annulés, la prière. On apprendra cela. Donc, le shir dit, qu'est-ce que la prière? Tout simplement, religieusement, la prière, c'est une adoration qui comprend parole, acte particulier, qui commence par le takbir et termine par les salutations. Qala, regardez ce qu'il dit. فَيَشْمَلُ ذَلِكَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَ وَصَلَاتِ الْجَنَازَةِ وسجود التلاوة وسجود الشكر قال إن قلنا بافتتاحهما بالتكبير واختتامهما بالتسليم ولا يشمل ذلك الطواف بالبيت لأنه لا يفتتح بالتكبير ولا يختتم بالتسليم. Il dit, et tout ce qu'on vient de dire là dans la définition, elle comprend les cinq prières quotidiennes, ça fait partie de as-salawat. Elle comprend la prière de l'Jumu'ah. Elle comprend la prière sur le mort, Salat al-Janaza. Elle comprend ce jeu de Tilawa, la prosternation, la récitation. Elle comprend la prosternation de Ash-Shukr. Donc ça, c'est selon l'avis. Pourquoi? Parce qu'il y a des savants qui considèrent que la prosternation pour la récitation et la prosternation de remerciement, ce jeu de Tilawa ou ce jeu de Shulk, c'est prière. C'est pour cela que selon cet avis, ils considèrent qu'il faut avoir les ablutions, il faut avoir le wudu. Wa qawlayn 'inda al-ulama. Et on détaillera cette question. Il y a deux avis chez les savants. Les savants qui considèrent que sujoud at-tilawa, c'est comme une prière, il faut avoir les ablutions lorsqu'on fait sujoud at-tilawa. Et sujoud ash-shukr kadhalik. Les savants qui considèrent que elle est liée, elle a le statut de la prière. In qulna biftitahihima bit-takbir wa ikhtitamihima bit-taslim. Par contre, la yashmal dhalika tawaf al-bayt bil-bayt. Par contre, le tawaf qu'on fait autour de al-bayt, al-atiq, de la maison ancienne, al-ka'ba, li'annahu n'est pas considéré comme prière. N'est pas considéré at-tawaf, n'est pas considéré comme une prière. Li'annahu la yuftatah bit-takbir. Li'annahu la yuftatah bit-takbir wa la yukhtatam bit-taslim. Parce que le tawaf ni commence par takbir et ni il termine avec le tassim. Amma hadith tawaf bil bayt salah. Pourquoi certains le considèrent comme une prière? Parce qu'il y a un hadith qui dit tawaf bil bayt salah. Le tawaf autour de le bayt, c'est une prière. C'est une prière. Fa innahu la yathbut an an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il dit que ce hadith n'est pas confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas authentique. Il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le tawaf, vous avez vu les sept tours qu'on fait autour de la Kaaba, que cela est une prière. Les grands savants, les spécialistes disent que non, c'est pas considéré comme une prière. Le récit rapporté du prophète, et vous le trouvez, il était rapporté par Tirmidhi dans Kitab al-Hajj, dans le chapitre du Hajj, fi kalami fi tawaf. Il dit, al-hadith, at-tawafu bil-bayti salatun. قال إنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله شيخ الإسلام فقد قال رحمه الله تعالى وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك انتهى كلامه رحمه الله. Et là on a fini le premier fasl. Là c'était le premier chapitre du livre, on a fini. Et demain si Allah nous le permet on continuera inshallah wallahu a'lam.